Madame Léa, par Jeanne Mairet. Les trois lettres du nom flamboyaient, très grandes, fraîchement dorées, sur le balcon d'un premier étage, place de l'Opéra. De nombreuses voitures stationnaient à la porte. Des femmes, jeunes et élégantes pour la plupart, traversaient vivement la chaussée, se rendant chez la couturière à la mode. Depuis quelques années surtout, être habillée par Léa était pour une jeune femme un brevet d'élégance correcte. On s'inscrivait, on attendait son tour, comme chez un portraitiste très connu ou chez un dentiste américain. Ces belles dames, parfois un peu nerveuses, de mauvaise humeur même chez elles, gâtées dans le monde, se montraient, chez leur couturière, d'une patience angélique. Rien ne les rebutait, ni les longues attentes des œuvrées dans les salons de Léa, ni les brusques boutades de cette personne singulière, ni les notes exorbitantes pour lesquelles elle n'accordait pas de long crédit. Avoir une robe de Léa, ou comme dirait la presse spéciale qui s'occupe de chiffon, avec un sérieux adorable, une création nouvelle signée Léa, était un bonheur qui ne pouvait se payer trop cher. Madame Léa, du reste, avait eu une idée qui pouvait, sans flatterie, passer pour géniale. Afin de tromper l'ennui de ses clientes, elle avait institué un 5 o'clock qui ne se bornait pas à l'heure stricte, car de 4 à 6, une table de thé bien servie, à laquelle présidait la plus jolie et la plus distinguée de ces demoiselles, était servie. Les femmes de monde très divers se trouvaient rassemblées, rapprochées par le thé, fait à l'anglaise, et les fines tartines de pain beurré pris en commun. Comment ne pas causer lorsqu'on se rencontrait, pour ainsi dire, dans un salon? Et que de sujets interminables, de discussions savoureuses, suggérées par les soies et les velours à la pièce, à moitié sortis de leur carton ou de leur gaine de gros papier, par les gravures de mode, par les toilettes achevées, gravement portées par des mannequins. Et ainsi il se trouva qu'une fois, entre autres, la femme d'un banquier juif, une duchesse très authentique, une américaine de San Francisco et une sociétaire de la Comédie-Française causèrent pendant 1 heure, fort amicalement du reste. La plus duchesse des quatre, par exemple, était certes la comédienne, ce qui prouve une fois de plus la supériorité de l'art sur la nature. Le thé de Léa eut un succès immense. On s'y donnait rendez-vous. Plus d'une fois, une mondaine, tout en grignotant un petit four et en causant avec ses amis, fit une infidélité à son couturier habituel pour s'offrir le caprice d'une toilette de chez Léa. Cette rusée personne savait bien qu'elle rentrerait dans ses frais de gâteaux et de fines tartines. Un jour de décembre, glacé et triste, le brouillard jaune avait rendu nécessaires les lumières des 3 heures. Les salons de Madame Léa, salon meublé avec un luxe très sobre, brillamment illuminé, était bruissant de voix de femmes. On attendait encore plus longtemps que d'habitude. Un grand mariage devait se faire bientôt, et la fiancée accaparait le temps et l'attention de la couturière. On disait merveille de ses toilettes, mais on trouvait tout de même, malgré la table de thé, l'attente un peu bien longue. Plusieurs femmes se lassèrent et partirent, voyant que la foule dans les salons ne diminuait pas. Quand une apprentie portant une robe disparaissait dans le grand salon d'essayage, il se faisait un demi-silence. Quand elle reparaissait, le corsage tout piqué d'aiguilles enfilées et d'épingles, on l'arrêtait. Y en a-t-il encore pour longtemps? Oh, pour une bonne heure encore. Madame n'a pas encore essayé la robe blanche de la mariée. Et elle s'en allait, en gamine toute heureuse de l'air déconfit de ces belles dames qui attendaient le bon plaisir de la patronne. La patronnelle ne se pressait nullement. Tandis que la meilleure ouvrière passait les robes achevées ou épinglait les doublures de celles qui n'étaient pas commencées, elle se tenait à une petite distance, examinait, critiquait. D'un mot, d'un geste, elle indiquait une couture à reprendre, un pli à faire disparaître. Elle était très artiste à sa façon, cette femme au masque dur, sévèrement sanglée dans sa robe de soie noire toute unie. Elle n'admettait pas qu'il sortît de chez elle une toilette qui ne fût pas la perfection même. Il lui était arrivé plus d'une fois de jeter dans un coin du vaste salon un corsage qui semblait à la cliente fort réussi et de dire, de sa voix brève et cassante, « C'est à recommencer !» Cette fois, elle était satisfaite. Sous la lumière éblouissante du lustre, les robes de couleur douce et fondue s'entassaient sur les fauteuils. La robe de mariée, une merveille de satin crémeux, portée avec dignité par un mannequin, étalait sur des draps posés à terre ses blancheurs au doux reflet. À côté, la toilette de la mère, velours grenat brodé à la main en couleurs harmonieuses, s'effondrait sur le canapé. Puis les robes pour toutes les occasions possibles, voyage de noces, visite de noces, lendemain de noces, pour le matin, pour le soir, etc., etc., s'accumulaient, toutes plus ravissantes les unes que les autres, toutes d'une distinction originale sobre pourtant. L'essayage durait depuis plus d'une heure déjà. La jeune fille, heureuse d'abord de toutes ces jolies choses, commençait à souffrir de se tenir ainsi debout. Elle pâlissait, elle disait « Mais je n'en peux plus, vous savez ». La mère la gourmandait « Voyons, il faut pourtant ici des robes ». La couturière, impassible, tout en causant avec les deux femmes, se disait que cette fille très riche, qu'elle est appartenir à la haute aristocratie, était presque laide avec sa pâleur jaune. Elle fit cependant chercher un petit verre de vin doux, ce qui ranima la patiente. À ce moment, la première, une personne déjà mûre et sérieuse, qui était allée chercher une dernière toilette, rentra avec précipitation et remit une lettre à la patronne. Elle dit à mi-voix « C'est un commissionnaire qui l'a apporté. » Madame Léa jeta un coup d'œil et reconnut l'écriture. Elle ne pouvait donc pas envoyer son domestique. Puis, tranquillement, elle mit la lettre dans sa poche, car le moment intéressant entre tous arrivait. On allait essayer la robe de mariée. Ce n'était guère le moment de lire une communication, si pressée fut-elle. « C'est vous qui habillez ma future belle-maman, n'est-ce pas, Madame Léa ?» dit la jeune fille, qui adorait les indiscrétions, très mesurée du reste, de sa couturière. Par à peu près. Ce qui veut dire rien, mademoiselle, rien. Encore cette robe de faille grise, puis le satin blanc. Et je vous rendrai votre liberté. Si vous croyez que vous allez échapper ainsi, maman, fais-la parler. Oh, vous savez, vous pouvez tout dire, nous serons discrètes. Puis, il faut bien que vous m'amusiez un brin pour que je reste tranquille. Alors, la duchesse. La duchesse fait comme beaucoup de très grandes dames qui ont plus de quartiers de noblesse que de coupons de rente. Sans cela, murmura la jeune fille entre ses dents, si vous croyez qu'elle aurait voulu de moi. Madeleine ! S'écria la maman scandalisée. Bon, maman, qu'est-ce que cela fait que je dise tout haut ce que tout le monde pense ? Cela n'empêchera pas que les journaux qui célébreront notre mariage assureront qu'il y a eu coup de foudre des deux côtés. Le coup de foudre, voyez-vous, Madame Léa, c'est d'importation anglo-saxonne, notre 5 o'clock. Nous exagérons même la chose comme pour toutes les modes importées. Plus de mariages arrangés, rien que des mariages d'amour. C'est très touchant. Alors, la duchesse, car vous savez, si je bavarde, je reviens toujours à ma première idée. Mon Dieu, mademoiselle, je fais 2 toilettes par an, madame la duchesse. Puis, une petite couturière à 45 francs de façon copie les 2 toilettes et pas trop mal, voilà. Tiens, pas bête, belle maman. Ça doit être amusant d'être couturière. On doit savoir un tas de choses drôles. Mais oui. Seulement les choses vraiment drôles, on les garde pour soi. C'est la vertu professionnelle, ça. Mais voyez-vous, il y a des femmes, si je vous les nommais, qui se vendraient au diable, qui m'inviteraient à leur bal, qui feraient tout ce qu'il me plairait de leur imposer pour avoir une robe neuve quand elles n'ont plus le sou. Mais elles ne l'ont pas. On vous dit très dur à l'occasion, dit la maman, en songeant mondaine pauvre, elle qui était si tranquillement assise sur les millions de son mari. Parbleu, pourquoi ferais-je la sentimentale? Elles ne me sont rien, ces femmes, dont je cache les défauts physiques, dont je connais les dessous moraux aussi. C'est notre revanche à nous autres. Il faut bien qu'on prenne son plaisir là où il se trouve. On ne se figure pas le pouvoir d'une grande couturière. Mais si, interrompit Madeleine, depuis que je suis fiancée, je vous assure que je pense plus à vous qu'à mon futur époux. Tu es vraiment insupportable, Madeleine. Laissez-la, madame, c'est sa soupape de sûreté. Avec moi, elle sait qu'elle n'a rien à craindre, puisque je tiens à la garder comme cliente. Si vous écriviez vos mémoires, madame Léa, vous êtes une femme supérieure, vous. Tout le monde le dit. Vous m'y mettrez, hein, dans vos mémoires? Peut-être bien. Cela dépendra de l'avenir. Quand j'écrirai mes mémoires, on saura alors que le sort d'une femme est souvent entre les mains de sa couturière. Ce sera amusant, je vous en réponds, si je dis tout. Il faut si peu de choses pour faire dévier une carrière mondaine. Une toilette un peu évaporée, un coup de ciseau de trop, une échancrure de corsage, souvent cela suffit. On joue alors le rôle indiqué par sa robe. On prend goût à la coquetterie, on écoute les compliments, on veut, après une toilette un peu hardie, une toilette compromettante, et la folie des chiffons, une folie qui n'a pas encore trouvé son docteur Blanche, s'empare de la mondaine. Le tour est joué, c'est très drôle. Est-ce que vous encouragez quelquefois la vertu ? Demanda cette fiancée très moderne. Cela rapporte moins, certes, et c'est moins drôle. Je le fais pourtant, de temps à autre, pour changer. Vous vous exercez sur Madame Francis Rayol. dit en souriant la mère, jamais vous ne réussissez mieux que pour elle. Ces toilettes sont d'une distinction, d'une discrétion. Vous inventez des tons neutres qui se marient délicieusement. Je m'en vante, fit la couturière d'un ton un peu sec. Puis elle est si jolie, s'écria Madeleine. Est-ce qu'on sait si elle est jolie? Habillez-la en petite bourgeoise et personne ne la remarquerait. Peut-être, insinua la maman, l'habillez-vous trop vertueusement pour le goût de son mari. On dit tant de choses, madame. Puis les maris de mes clientes ne me regardent pas. Monsieur Francis Rayol fait ce qui lui plaît. C'est bien son droit, après tout. Elle n'avait pas le sou, ou presque pas, à ce qu'on m'a dit la petite madame Rayol. Comment sont-ils si à leur aise, alors? Rayol est un musicien assez goûté dans les salons, mais ce n'est pas cela qui enrichit, au contraire. Et ce n'est pas son petit acte à l'opéra comique l'an dernier qui l'a rendu millionnaire. Après tout, il a peut-être hérité de ses parents. C'est drôle, comme dans la ville de Paris, on connaît peu le passé de ses meilleurs amis. Et maintenant, mademoiselle, qu'on vous mette en mariée. La couturière interrompit sans hésitation le bavardage de sa riche cliente. Toutes les femmes se turent, regardant la robe de satin blanc avec sa légère parure de dentelle et de fleurs d'oranger. À ce moment, on frappa impérieusement la porte. « Ne laissez entrer personne !» crie la couturière. « Je vous en prie, madame Léa, ce doit être ma cousine, je lui ai promis. C'est toi, Régine ? Alors entre, mais ferme vite la porte. Mon Dieu, qu'as-tu ? Tu es toute pâle. Je crois bien. Quelle émotion, mais j'en suis malade. Quoi ? Madame Léa tenait à la main la robe blanche qu'elle voulait passer elle-même à la jeune fille. Elle s'arrêta pour écouter, intéressée malgré elle, tant le visage de la nouvelle venue était bouleversé. Figure-toi, c'est le jour de madame Rayol. Je lui devais une visite. J'entre, je ne trouve personne, pas un domestique, les portes toutes ouvertes. Je crois un oubli. Je tiens mon porte-carte à la main, je souris, tu sais, comme on fait avant de se faire annoncer, et je tombe sur un drame. Madame Rayol, en toilette, sanglotant sur le corps de son mari. Un accident. Il jouait avec un revolver qu'on ne croyait pas chargé. Il n'a vécu que quelques minutes, ma chère. Madame Léa, tenant toujours en l'air sa robe de mariée, rigide, effrayante à voir, chercha à articuler un mot et n'y réussit pas. Alors, sans un cri, elle tomba raide, comme morte. Les flots crémeux de la toilette de mariée la couvrirent ainsi qu'un linceul blanc. Madame Léa s'appelait de son vrai nom Léonie Rigaud. Petite apprentie chez le plus célèbre couturier du temps, elle y avait appris beaucoup de choses. Très intelligente, vive, amusante, elle s'était insinuée dans les bonnes grâces du maître. Elle lui avait dérobé, tout en tenant la pelote d'épingle de l'essayeuse, bien des secrets dont plus tard elle avait fait son profit. Mais dans les ateliers à l'air vicié, elle avait appris autre chose encore que les mystères des robes à trois volants du temps de Louis-Philippe. À 18 ans, elle s'était fait enlever par le mari d'une des plus riches clientes de son patron. Au grand ennui du monsieur riche, elle avait eu un enfant. Cela changeait les choses, ce n'était plus drôle du tout. Il déposa une assez jolie somme chez un banquier au nom de mademoiselle Rigaud, à la condition qu'il n'entendrait plus parler d'elle ni de son marmot. Léonie promit et tint parole. Dans un village perdu des Pyrénées, cette gamine de Paris, cette fille mère, en adoration devant le petit être qu'elle avait mis au monde, songeait à l'avenir, se traçait un plan de conduite, se jurait de n'en point dévier. Son fils était beau comme le jour, il serait heureux, il serait considéré. Il avait été déclaré de père et mère inconnus. Elle ne voulait pas qu'il eût la moindre entrave. Elle serait sa mère en cachette. Son passé à elle ne devait jamais peser sur son avenir à lui. En attendant cet avenir glorieux, elle le laissa chez les paysans où il était né. C'étaient de braves gens, très bornés, pas curieux du tout. Puis elle les payait bien. Pendant quelques années, elle pouvait donc être tranquille. Son fils se ferait en jouant avec les petits paysans, ses camarades, une belle santé, des muscles solides, un sang généreux. De retour à Paris, Léonie eut des commencements très difficiles. Elle ne voulait toucher à son fonds de réserve qu'à la dernière extrémité. Ce fonds, elle le destinait, une fois qu'elle se sentirait de force à entrer dans la grande lutte, pour frapper un coup décisif. En attendant, il s'agissait de gagner les mois de nourrice du petit et de vivre, elle-même, tant bien que mal. Quant à reprendre un amant, l'idée ne lui en vint même pas. Tout son être se concentrait dans son amour maternel. Cet amour-là était sacré, elle le voulait pur, élevé. L'évolution accomplie dans cette nature énergique, passionnée, était complète. Elle n'exista plus que pour son fils. Pendant quelques années, elle travailla pour les maisons de confection. Elle fit des robes de boutiquaire à 15 francs de façon. Puis elle brûla les étapes. Son goût exquis, son originalité ayant été remarquée par quelques clients de rencontre d'un monde un peu plus relevé, celles-ci mentèrent leur petite couturière. Madame Léa, elle avait dès ses débuts pris ce nom de guerre, loin un appartement modeste boulevard des Batignolles. Bientôt, elle eut une réputation de quartier. Jamais elle ne manqua de parole, jamais elle ne livra une robe qui n'alla pas comme un gant. Jamais ses étoffes ne trompaient par leur qualité. Il lui fallut bientôt déménager, prendre de nouvelles apprenties. À ce moment, son fils allait entrer au collège. Elle le faisait appeler Francis Rayol, du nom de sa mère à elle, morte en lui donnant le jour. Elle le plaça à Sainte-Barbe-des-Champs, et dans le voisinage, elle trouva une petite maison cachée dans un grand jardin, qu'elle loua sous le nom de Madame Rayol. Au directeur de Sainte-Barbe, elle dit toute la vérité, loyalement, et son secret lui fut gardé. Elle passait les jours de congé à la campagne avec son enfant. Elle en rapportait de la joie pour toute la semaine. Francis était beau, aimant, câlin. Il était bon élève et faisait honneur à sa mère. Les deux s'adoraient, faisaient des parties folles ensemble. Pour lui, cette femme dure, la figure devenue de bonheur carrée et osseuse, était une compagne gaie, délicieuse, pleine d'esprit, se faisant enfant avec lui. Pendant des années, Francis ne sut rien de sa mère, sinon qu'elle avait à Paris une occupation qui les faisait vivre tous deux. Les enfants heureux ne sont guère curieux, et Francis était heureux. Tout le monde l'aimait, et il aimait tout le monde. Madame Léa réussissait donc dans la tâche qu'elle s'était donnée. Elle eût tranquillement commis des crimes, si le bonheur de son fils l'eût exigé. Malgré son intelligence, elle ne voyait pas le danger qu'il y a à élever un enfant en écartant de lui jusqu'aux cailloux de la route, en lui faisant croire que le monde et tous ses habitants n'ont été créés que pour son agrément à lui et pour son bon plaisir. Lorsqu'il eut 15 ans, la mère lui dit tout. Elle ne voulait pas qu'il apprît son histoire par d'autres. En même temps, elle lui fit comprendre que ce devait être un secret entre eux, que toujours elle veillerait sur lui, qu'elle ne travaillait que pour lui, qu'il serait riche par elle, mais qu'elle ne serait jamais publiquement sa mère, parce que dans la carrière triomphante qui serait sûrement la sienne, il ne fallait pas que son origine pût jamais lui nuire. « C'est bien pour cela, » ajouta-t-elle, « que je ne t'ai jamais reconnue. Légalement, je ne te suis rien. »« Tu m'aimes, mon chéri, voilà ce que tu es. » Mais il ne protesta pas contre cette immolation absolue de cette maman chérie. Il n'en comprenait même pas la sublimité. Un instant, Léa sentit comme une contraction du cœur très douloureuse. Un instant seulement. L'histoire de sa naissance ennuya un peu Francis. Mais comme il n'aimait pas trop approfondir les choses tristes, l'impression passa vite. Ce charmant garçon était un peu léger. Aux grandes vacances, comme cela commençait à lui sembler dur de rester dans la petite maison cachée, avec une vieille bonne dévouée, et de ne voir sa mère que le soir après son travail, il obtint d'aller passer 6 semaines avec son ami intime, Raoul de Rochefrou, dont les parents possédaient un beau château en Normandie. Léa le laissa aller, mais elle souffrit beaucoup de cet abandon. Ce fut vers ce moment qu'elle joua le tout pour le tout. Elle retira la somme versée 16 ans auparavant par le père de Francis qu'elle n'avait jamais revu. Elle loua un appartement splendide, place de l'Opéra, le meubla avec son goût parfait, un peu sévère, fit faire des boiseries spéciales à son chiffre pour les grandes armoires à glace qui faisaient le tour du salon principal, posa partout des tapis d'Orient à haute laine, eut un domestique en livrée pour ouvrir la porte, puis elle attendit. La première année, il lui fallut emprunter de l'argent, qu'elle trouva difficilement. Elle habilla pour rien des élégantes, à demi ruinées, qui fréquentaient le monde qu'elle voulait conquérir. Elle connut les angoisses des billets à payer, de la ruine qui menaçait. Francis, qui grandissait, eut des fantaisies coûteuses. Il devint difficile à l'égard de ses vêtements, réclama un vélocipède, voulut faire de l'équitation. Tout lui fut accordé, avec un sourire un peu mouillé de larmes, il ne vit que le sourire. La lutte dura 2 grandes années. Éternellement au bord de l'abîme, Léa continua son chemin sans regarder en arrière. Il fallait qu'elle réussît. Le succès vint, en effet, mais des années se passèrent, avant que les dettes fussent payées. Toutes les énergies de cette femme, vraiment remarquable, se tendirent. Tout son être se dépensa dans cette lutte acharnée. Sa jeunesse s'envola du cou. Avant 40 ans, ses cheveux blanchirent, sa figure dure se marqua fortement. Elle dépensa, en création toujours renouvelée, en fantaisie légère, l'imagination d'un poète. Lorsqu'il s'agissait d'inventer une forme neuve de robe, elle connut les insomnies fécondes, comme tout créateur. Elle se passionna pour son métier. Elle y devint une virtuose de premier ordre. Aussi, une fois vraiment bien lancée, le succès fut-il prodigieux. Dès son installation, avenue de l'Opéra, elle avait haussé ses prix, ne consentant pas une fois, même lorsque la faillite frappait à la porte, à les abaisser. Avant longtemps, elle les doubla. Elle se faisait payer aussi cher que les plus grands couturiers du jour. Et durant ces années-là, les soucis la poursuivaient ailleurs encore que dans ses ateliers. Francis devenait un beau jeune homme, après avoir été un charmant enfant. Mais un beau jeune homme donne souvent des inquiétudes aux siens. Maintenant, comme alors, quelles que fussent ses préoccupations, Léa allait passer les dimanches dans la petite maison située entre Sceaux et Fontenay. Presque toujours, Francis l'y rejoignait. Alors, en la regardant, en l'admirant, en l'adorant, elle se sentait payée au centuple de toutes ses peines, de toutes ses angoisses. C'était son œuvre, c'était son bien. Cachée dans la retraite qu'elle avait embellie petit à petit, qui semblait un réduit d'artiste, très gai, très coquet, ils bavardaient comme deux camarades, et la mère savait rendre son babil amusant, spirituel. Très fine, elle emmagasinait les observations de la semaine pour les servir à son fils. Lui s'amusait de ce déballage de faiblesse féminine, de ces indiscrétions de la coulisse, de cette vie mondaine dont il voyait chez ses amis le beau côté, des histoires d'élégantes abois à la merci de leur couturière. Le bruissement des soies et des satins, les chiffons déployés plaisaient à ce garçon sensuel, très artiste par certains côtés, dévoré du désir de mordre à pleines dents au plaisir de la vie. Mais la mère, tout en flattant les faiblesses de son fils, tout en satisfaisant sa gourmandise par de petits repas savants et son goût de frivolité par son bavardage, cherchait cependant à faire de Francis un homme. De ce côté, elle n'était qu'à demi satisfaite, absolument sans moralité dans le sens élevé du mot. Et comment en eût-il été autrement? Elle voulait, par ambition pour ce fils adoré, le forcer à travailler, à faire œuvre virile, à devenir quelqu'un, enfin. Pendant toutes les années de collège, l'avenir ne la tourmentait guère. Francis était fort bien doué. Sans effort, il était parmi les premiers de sa classe. Il remporta un prix et plusieurs accessites au concours général. Ses maîtres, flattés, lui prédisaient un brillant avenir. Il dessinait avec une telle facilité qu'il déclara un beau jour qu'il serait peintre et, une fois bachelier, se fit admettre à l'école des beaux-arts. Mais il chantait aussi à ravir, d'une voix de baryton admirablement timbrée. Dès son enfance, la musique lui produisait des sortes de rêveries extatiques. Il improvisait parfois des mélodies que sa mère trouvait très supérieures à celles de Gounod. Comme du reste, ses pochades lui rappelaient les plus grands noms de la peinture moderne. Les commencements des arts plastiques sont durs. Le dessin d'après la bosse, l'étude de l'anatomie, les longs tâtonnements, les innombrables esquisses, avant qu'un élève puisse songer à faire un tableau, rebutèrent le brillant Francis. Il prit quelques leçons d'harmonie, travailla son piano avec frénésie et se déclara alors musicien. Il ferait des opéras. Sur ces entrefaites, le volontariat le prit, ce qui lui parut dur, mais son bel entrain, sa robuste santé lui vinrent en aide. Jamais engagé conditionnel ne fut si bien vu de ses chefs et ne fut dispensé de plus de corvées. Il organisa des concerts chez son colonel, il joua la comédie avec la femme de son capitaine. Les camarades eux-mêmes ne lui en voulurent pas. Il était si bon enfant, prêtait si volontiers sans réclamer ensuite, faisait leur charge à la mine de plomb si spirituellement, que les douceurs qu'on lui octroyait lui furent pardonnées. Une fois rentré à Paris, il ne se trouvait pas plus avancé qu'avant de l'avoir quitté. Il continua à faire de l'harmonie, mais avec moins d'entrain que par le passé. Ce qu'il fit avec un entrain endiablé, par exemple, ce fut de dépenser l'argent de sa mère avec une grande variété d'aimables personnes qui ne demandaient pas mieux que de l'y aider. Malgré son extrême faiblesse, Léa dut chercher à lui faire comprendre qu'elle avait beau gagner gros, son établissement coûtait énormément et que toutes ses dettes n'étaient pas encore payées. Elle lui proposa une pension dont un fils de famille eût été satisfait et le supplia de ne pas dépasser ce très large crédit. Si par malheur elle venait à lui manquer, que deviendrait-il avec des habitudes de luxe et aucun gagne-pain? L'explication si douce pourtant produisit un peu de froid. La mère en souffrit et se tut. Le fils, après un moment de bouderie, reconnut très gentiment ses torts, couvrit sa mère de caresses et promit de travailler sérieusement. Il tint parole. Il aurait voulu concourir pour le prix de Rome. Léa s'y opposa de toutes ses forces. Que ferait-elle pendant 4 ans séparée de son fils? Puisque que c'était démodé, Rome, pour un musicien. Ce n'était pas à la chapelle Sixtine, n'est-ce pas, qu'il fallait étudier la musique moderne? Francis n'insista pas. Du reste, comme il était assez intelligent pour comprendre que certains de ses camarades étaient beaucoup plus forts que lui et qu'il ne triompherait pas facilement dans un concours, comme aussi la vie de Paris lui semblait chose délicieuse, il se résigna facilement. À 25 ans, c'était un des plus jolis garçons qu'on pût voir. Châtain clair, une barbe soyeuse en pointe, des yeux bleus très expressifs, facilement peignoyés d'extase, grand, élégant et souple, on pouvait, en le regardant, comprendre l'adoration de sa mère. Il était admis dans un monde très choisi de Paris. Grâce à ses relations de collège, grâce surtout à son charme personnel, il connaissait beaucoup de grands artistes aux maisons princières, de riches banquiers, d'industriels archimillionnaires. Il entra dans le monde des heureux de la terre comme chez lui. Il était charmant, il était musicien, il semblait riche. On n'en demandait pas davantage. Du reste, il ne faisait pas mystère de sa naissance irrégulière. On savait vaguement qu'il était enfant trouvé, que sa famille était inconnue, que par l'intermédiaire d'une personne qu'il aimait beaucoup, chez qui il passait ses dimanches religieusement et qui vivait très retiré à la campagne, il recevait une pension plus que suffisante. Certaines personnes allaient jusqu'à insinuer qu'il devait être l'enfant adultérin de quelque très grande dame. En tout cas, la tare de sa naissance ne lui pesait pas et ne semblait lui faire aucun tort auprès des autres. On commençait du reste à le prendre à peu près au sérieux. Francis avait travaillé. Son étonnante facilité lui avait fait faire de très grands progrès. Il publia un recueil de romances qui eurent un véritable succès de salon. Le public, le vrai, se montrait plus rebelle. La musique moderne est tout hérissée de savoir, et ce savoir, on ne l'acquiert pas sans un travail lent et acharné. Une suite d'orchestre, que Francis eut toutes les peines du monde à produire dans un des grands concerts populaires, excita la colère de certains critiques hargneux et wagnériens. Francis, souple et ondoyant par nature, ne s'obstina pas. Il se proclama le disciple de la vraie musique française. Il fit des mélodies chantantes et douces, pleines d'une vague et poétique mélancolie, et son succès de salon devint tel que les directeurs de concerts et d'opéra s'occupèrent un peu de lui. Peut-être, après tout, que le goût du public, lassé par une mode un peu factice pour la musique savante, ne demandait qu'à revenir aux chansons naïves d'amour et de sentiment. Sur ces entrefaites, la décentralisation artistique s'accomplissait. Les œuvres des jeunes, si difficilement admises dans les répertoires parisiens, étaient accueillies dans les grandes villes de province. Un petit acte de Francis Rayol, très frais, très jeune d'inspiration, un vrai duo d'amour rustique, eut les honneurs du théâtre de Rouen. Ce triomphe, qui remplit de joie le cœur de la mère, lui coûta horriblement cher, pourtant, et faillit briser tous les liens si étroits qui l'unissaient à son fils. Pendant les répétitions, qui durèrent assez longtemps, Francis fit la connaissance d'une jeune orpheline recueillie chez des parents éloignés qui ne demandait qu'à être débarrassée d'elle. Il l'aima et résolut de l'épouser. Léa entra dans une colère terrible. Son fils la voyait ainsi pour la première fois de sa vie. Aucune de ses nombreuses fredaines de jeunesse ne l'avait ainsi mise hors d'elle. Au lieu de se courber sous l'orage, le jeune homme se révolta, le prit de très haut. La violence qui sommeillait au fond de cette nature gaie et légère d'homme éternellement gâté et heureux s'éveilla soudain. La mère eut peur. Elle sentait qu'il lui échappait, tout plutôt que cela. « Voyons, Francis, raisonnons un peu. » L'orage était passé. Après les violences, les mots durs et crus retrouvés soudain par cette femme, dont les dehors seuls étaient ceux d'une personne distinguée et bien élevée, elle redevint maîtresse d'elle-même. « Je ne demande que cela, maman. Je t'assure que je suis horriblement fâchée de te faire de la peine, mais je ne puis pas céder. Tu l'aimes tant que cela, oui. » Elle est orpheline, elle ne dépend de personne, elle est pauvre. Puisque tu l'aimes, prends-la, mais ne l'épouse pas. » Francis se leva d'un bond, il se contint pourtant et dit simplement « Tu ne comprends pas. » Léa courba la tête comme si elle eût reçu un coup. Ce que son fils lui disait avec ces quelques mots, elle ne le savait que trop. Elle avait eu beau dépenser pour lui les trésors de son cœur, se montrer courageuse, héroïque, faire ce que les mères ordinaires, régulières, honnêtes enfin, seraient le plus souvent incapables même de tenter. Tout cela comptait pour bien peu de choses. Elle était une fille mère, elle ne comprenait pas. La voyant pâle, défaite, Francis revint auprès d'elle, retrouvant pour la consoler, pour l'aider à céder aussi, ses câlineries d'enfant. À moitié agenouillé auprès d'elle, l'entourant de ses bras, il lui murmurait des choses douces et tendres, lui disant sa reconnaissance, son amour filial. Puis, lorsqu'elle se fut calmée, il causa tranquillement, posément, un homme sensé et connaissant la vie, ne lâchant pas la main inerte de sa mère, la baisant de temps à autre, comme lorsque, tout enfant, il lui disait qu'elle avait une main de fée. Et c'était vrai. Ça avait toujours été la seule beauté véritable de cette femme, qui, même au moment où elle s'était fait enlever, n'avait jamais eu que la beauté du diable. « Rappelle-toi, mère chérie, tes projets ambitieux à propos de mademoiselle de Rochefroux. Nous étions les meilleurs amis du monde. Son frère était mon inséparable. Les parents me recevaient avec plaisir, presque en fils de la maison. Mais lorsque Blanche a grandi, et que j'ai cru pouvoir me permettre des avis d'amoureux, tu sais bien que Raoul lui-même m'a fait comprendre ma folie. Les filles bien nées, les filles riches aussi, ne sont pas pour un garçon dont on ne connaît pas les origines, et dont les moyens d'existence semblent pour le moins mystérieux. On me l'a fait sentir plus d'une fois. J'étais fêté, choyé, mais comme artiste, comme ornement de salon, comme épouseur, jamais. Tu plaides pour les besoins de la cause. Je te jure que non, je ne t'en ai jamais parlé, car moi, qui t'admire comme je t'aime, je ne voulais pas te faire souffrir. Le mariage pour un artiste est une folie. Pourquoi te marier? Mais d'abord, parce que j'aime une enfant délicieuse, pure et charmante. De plus, parce que je désire un foyer, des enfants, une vie régulière et assise. J'en ai assez de mon existence de papillon. Tu souris, c'est pourtant vrai. J'ai comme une fringale de vertu. Cela passera, j'espère que non. En tout cas, la fringale est impérieuse. Puis, j'ai caressé tout bas un autre rêve. Pourquoi ne pas me dire hardiment, en face de tous? Voilà ma mère, je l'admire, je la respecte. Faites-en autant, vous aurez affaire à moi. Lucie, qui n'a aucune attache dans le monde des bourgeois hypocrites, t'aimera pour le bien que tu m'as fait. Tu seras publiquement ce que tu es en cachette, ma mère chérie, si tu crois que je rougis de tes ciseaux. Mais tu es artiste aussi, toi. Léa ferma un instant les yeux. Sa dureté s'amollissait, son cœur se détendait, mais le rêve qui passa un instant devant elle s'évanouit presque de suite. Je te défends de révéler notre secret. Si je l'ai gardé si jalousement jusqu'ici, ce n'est pas en ce moment où, musicien connu, célèbre demain, tu as besoin de suivre ton chemin sans entrave, je le proclamerai sur les toits. Écoute, mère, si j'étais homme politique, diplomate, un personnage officiel enfin, je comprendrais ce sacrifice. Mais j'appartiens au monde des artistes, un monde bien sans préjugés, je t'assure. Tu te trompes. Je connais l'envers de ce monde-là comme l'envers des autres. Tu parles des hommes, toi. Je pense aux femmes, les femmes des artistes arrivés, riches, de tes égaux, enfin. Et si tu crois qu'elles n'ont pas de préjugés, celles-là, c'est que tu es bien naïf encore. Et puis, j'ai pris l'habitude de te sourire de loin, de te protéger sans qu'on en sache rien. Je ne veux rien changer à ce qui est. Je ne veux pas des bavardages de mes clientes, de leur curiosité, de leurs indiscrétions. N'en parlons plus. N'en parlons plus, puisque tu l'exiges. Et au fond, le fils de Léa trouvait que cette résolution évitait bien des petits ennuis, bien des commérages. Léa comprit qu'il n'avait insisté que pour la forme. Après un petit silence, elle reprit d'une voix ferme. « Quant à ton mariage, eh bien, c'est la plus grande bêtise que tu aies encore faite. Tu as une fringale de vertu. Tu as trouvé le mot. Ce genre de fringale ne dure guère. Tu n'es pas de l'étoffe dont on fasse les maris qui restent bêtement chez eux, les pieds sur les chenets. Tu seras un grand homme où j'aurais vécu en vain. Je te voulais heureux, je te voulais riche, je te voulais célèbre surtout. C'était ma passion, c'était mon vice, si tu veux. Mais j'y tiens comme on tient un vice caché. Tu veux te marier? Tu as tort. Mais c'est un dernier joujou que tu me demandes, et je n'ai jamais su te refuser un joujou. Lorsqu'il sera cassé à son tour, tu le jetteras dans un coin et tu continueras ta route en triomphateur. Moi, de loin, je savourerai les applaudissements, l'encens qu'on te prodiguera, comme un jeune dieu que tu es, et je serai payée, et je serai heureuse. Quand t'as joué à la belle maman tendre, à la grand-mère gâteau, il n'y faut pas compter. Il n'y a de place dans mon cœur que pour toi, rien que pour toi. Si je te disais de cacher la vérité à ta femme, ce serait inutile. Donc, dis-la-lui en lui ordonnant de se taire. Je la déteste bien, cette poupée blonde, qui va me prendre le meilleur de ton cœur, pour un temps, tout au moins. Mais elle n'en saura rien. N'aie pas peur. Tu ne subiras pas de scène d'intérieur à cause de moi. Seulement, promets-moi que les dimanches m'appartiendront. Alors, comme aujourd'hui, que nous nous retrouverons dans notre nid caché. Tu amèneras ta femme, si cela te convient. Cela me sera égal, je ne la regarderai pas. Et c'est ainsi que Francis Rayol s'était marié. Il n'avait pas de permission à demander ni de parents à présenter. La cérémonie se fit dans l'intimité à Rouen. Ce jour-là, comme tous les jours, la procession habituelle de Cléantriche monta et descendit l'escalier somptueux de Madame Léa, qui, avec une lucidité absolue, discuta les garnitures et proposa des coupes de robes, comme elle l'avait fait la veille, comme elle le fit le lendemain. Seulement le soir, très tard, lorsque les ouvrières furent parties et l'immense appartement désert et silencieux, la couturière eut une crise de désespoir telle qu'elle fut obligée d'étouffer ses cris et ses sanglots de peur d'être entendue au loin. Madame Francis Rayol fut très bien accueillie dans le monde parisien où son mari la présenta. C'était une jeune femme très douce, timide, jolie surtout grâce à la fraîcheur de son teint de blonde et l'expression très touchante de ses grands yeux bleus. Léa fut très correcte. Sa haine, qui jamais un instant ne fléchit au contact de cette douce créature, ne se montra que par une réserve froide. Ce fut elle qui habilla la jeune femme. Ses toilettes furent toutes des merveilles de goût et de discrétion. Il fallait bien que la femme de Francis lui fît honneur. Elle était du reste persuadée que si Lucie passait pour jolie, ce n'était que parce qu'elle était bien mise. Lucie était d'une éducation parfaite, bonne musicienne, et possédant une jolie voix de soprano. Lorsque le dimanche elle chantait des duos avec son mari, lorsqu'elle fredonnait sa dernière mélodie, Léa lui pardonnait presque de lui avoir pris son fils, mais dès qu'elle cessait de chanter, la haine revenait, farouche, implacable. La pauvre enfant ne s'en doutait pas. Elle avait peur de sa terrible belle-mère et l'appelait madame, mais elle prenait au pied de la lettre les explications de son mari. Léa était une lutteuse, un peu dure, très concentrée, peu expansive, excepté avec lui-même. Mais elle était ainsi, et il fallait l'accepter telle qu'elle. Du reste, Lucie n'avait rien à reprocher à cette belle-mère anonyme et mystérieuse. D'une politesse froide, mais toujours la même, Léa n'intervenait dans les affaires du jeune ménage que pour le choix des robes et des manteaux. Lucie se trouvait très bien de se laisser diriger pour ses choses de toilette. Elle sentait que Léa la tenait en assez piètre estime, comme elle tenait du reste les femmes du monde en général. Ainsi qu'il arrive parfois aux femmes supérieures, à celles qui, dans la vie, sont obligées de lutter, de faire preuve d'énergie et de volonté, comme le ferait un homme, la couturière avait le mépris le plus absolu pour son sexe. Elle vivait des faiblesses et des vanités féminines. Aucun moraliste, si pessimiste fût-il, ne fustigeait ses vanités et ses faiblesses avec une âpreté plus cinglante. Mais Lucie se passait très bien de l'estime de sa belle-mère. Il lui suffisait de vivre éternellement en adoration devant son mari. Elle lui devait tout. Il l'avait tirée d'une condition humiliée, très pénible. Il l'aimait. Il lui avait ouvert un monde enchanté où, à chaque pas, elle entendait l'éloge de celui qu'elle chérissait. Il l'entourait d'un luxe charmant. Les difficultés matérielles ne semblaient pas exister pour ce couple privilégié entre tous. Des amis choisis, des artistes aux noms célèbres, des gens du monde aux manières charmantes, lui faisaient fête à cause du nom qu'elle portait. La vie n'était pour elle qu'un éternel rêve de bonheur. Elle eut deux enfants, des filles. Léa, à la vue d'un petit-fils, se serait peut-être adoucie. Deux petites filles, coup sur coup, en qui ils voyaient une ressemblance frappante avec leur mère, ne l'émurent en aucune façon, ou plutôt ne firent qu'exaspérer son antipathie pour l'étrangère. Les petites, en grandissant, ne l'appelaient que la dame, et en la voyant, se blottissaient, craintives, dans les jupes de leur mère. Avec les années, Francis Rayol avait un peu changé. Toujours bel homme, charmant et charmeur surtout, il s'était pourtant un peu épaissi, un peu alourdi dans le bien-être. Sa réputation depuis ses 25 ans n'avait pas fait de grands progrès. Il était connu, apprécié d'un certain public, il avait réussi, après une attente fastidieuse, à faire jouer un petit acte à l'opéra comique, et le petit acte avait très agréablement réussi. Mais un petit acte à l'opéra comique ne fait pas de son auteur un homme célèbre. Et Léa avait compté que son fils serait célèbre. Elle avait beau se dire que la carrière d'un musicien est une carrière atrocement difficile, qu'on a vu des jeunes de 60 ans débuter et réussir, qu'il fallait prendre patience, tout cela ne la consolait pas, car elle était trop intelligente pour ne pas entrevoir au moins la vérité. Francis, si bien doué, si éternellement gâté par un monde indulgent et frivole, produisait avec une merveilleuse facilité lorsqu'il voulait bien travailler, n'était et ne serait jamais qu'un musicien médiocre, un compositeur de salon, un artiste pour dames. Elle continuait à adorer son fils, à se tuer de fatigue pour lui donner un luxe qui lui était devenu nécessaire, mais lentement, sourdement, elle en venait à douter de lui. Pour cette femme si fière, la déception fut cruelle. Ne voulant pas accuser son fils, elle accusa le mariage, elle accusa cette Lucie, qui avait une douceur énervante, l'avait rabaissée à son niveau, n'avait pas su exciter en lui l'ambition, l'énergie, l'avait endormie dans les fadeurs d'un amour bêlant. Elle ressentit un plaisir cruel lorsque, par le bavardage de ses clientes, elle apprit que M. Francis Rayol trompait sa femme avec une grande chanteuse, que tout le monde le savait, excepté Mme Rayol. Celle-ci, dans son aveuglement amoureux, ne voyait pas ou ne voulait pas voir le changement qui s'était opéré chez Francis. C'était avec une sincérité absolue que Léa disait que Mme Rayol n'avait aucun droit à la fidélité de son mari, puisqu'elle ne lui avait rien apporté ou presque rien. On ne pouvait pas dire que Léa fût immorale dans ses jugements sur la vie. Elle ignorait la morale purement et simplement. Si, de la liaison de son fils, il pouvait sortir une ambition trop longtemps assoupie, si un amour violent, passionné, pouvait profiter à l'artiste, elle bénirait la liaison, elle applaudirait à la passion. Quand un bonheur conjugal perdu, à la paix de ce foyer jusque-là épargné, détruite, quant aux souffrances de cette jeune femme, tout cela lui importait peu. Le joujou cassé serait jeté dans un coin, comme elle l'avait prédit, et tout serait dit. Un coup de pistolet, une imprudence, un accident bête, un fait divers comme en racontent les journaux et qu'on lit d'un œil distrait sans y croire tout à fait. Il n'en avait pas fallu davantage pour réduire à néant le rêve de la malheureuse femme. Elle avait travaillé, peiné, lutté pendant plus de 35 ans. Elle avait accompli des prodiges. Elle avait élevé son fils sans qu'il eût un seul instant à souffrir. Elle avait écarté toutes les ronces de son chemin. Elle l'avait mené par la main vers le bonheur, vers la renommée, et de tout cela, il ne restait rien. Rien, sinon un corps inerte, un front, créé pour le rayonnement de la gloire, troué par une balle, une chose que vite on cacherait dans la terre, dont bientôt on ne s'occuperait pas, qui serait oublié, dont il resterait à peine un nom. Ce n'était pas possible, cela ne pouvait pas être vrai. Elle se répétait cela d'une façon monotone dans la fièvre ardente qui avait succédé au long évanouissement. Ce n'était pas vrai, ce ne pouvait pas être vrai. Cependant, même dans son demi-délire, Léa ne dit pas son secret. Sa première demoiselle, qui avait été apprentie chez elle au boulevard des Batignolles, une fille laide, bonne, absolument dévouée, seule était à peu près au courant de la vérité. Elle veilla sa patronne. Elle lui donna les détails de la catastrophe dès que la malade revint à elle. La lettre apportée par le commissionnaire pendant l'essayage et que Léa avait mise dans sa poche était un mot à demi-fou de la malheureuse Lucie. L'enterrement se fit tandis que la couturière était au lit, très malade. On jasa sur l'évanouissement de Léa, sur sa maladie, qui fut très courte du reste. On chercha bien à rapprocher de cet évanouissement la mort du musicien, mais rien ne m'a donné la moindre apparence de vérité à l'histoire racontée. 10 jours après l'enterrement, Léa reprenait son travail, vêtue comme d'ordinaire. Elle avait eu une espèce d'attaque, elle avait été malade, elle allait bien de nouveau, et c'était tout. Seulement, de cette maladie, elle s'était relevée vieille femme. Elle fit dire à Mme Rayol de se trouver le dimanche suivant à la petite maison de campagne qu'elle avait à lui parler. La vue de cette jeune femme pâle, défaite, les yeux fatigués de larmes, en grand deuil, aurait dû fléchir sa belle-mère. Il n'en fut rien. Tout ce qu'elle vit, c'était ce deuil officiel, le droit qu'avait cette femme de pleurer son mari à la face du monde. Elle-même portait ses vêtements habituels. La veille encore, elle avait essayé des robes causées avec des clientes. Elle aurait pu s'en dispenser, certes, mais la solitude était plus atroce que tout le reste. À cette femme énergique, il fallait l'action, même dans le désespoir. C'était la seule façon d'échapper à la folie. Lucie alla au-devant de Léa, les mains tendues. Elle avait oublié tout, sinon que Léa devait souffrir autant qu'elle-même, plus peut-être, car cette figure de mère était tragique. Mais la jeune femme s'arrêta net. Léa avait fait un mouvement de recul, et les yeux cruels, durs, elle dit « Pas de scène, n'est-ce pas? Je ne les aime guère. » « Vous étiez pourtant sa mère, » murmura Lucie, se laissant tomber de nouveau sur son fauteuil. « C'est bien pour cela que je vous ai détesté. Après votre venue, je n'ai jamais eu que la seconde place dans son cœur. Maintenant encore, vous avez le droit de vous parer de votre douleur. Vous pouvez pleurer devant tous. Les femmes qui pleurent tant que cela du reste se consolent vite. Moi, je ne peux pas pleurer, je n'ai pas de larmes et je souffre. » « Vous êtes bien dure pour moi, madame, mais je vous plains trop pour vous en vouloir. Je n'ai que faire de votre pitié. Je suis venue parler affaire. Vous n'êtes pas ma belle-fille. Je n'ai jamais reconnu Francis. Légalement, je ne lui étais rien. Quant à vous, vous n'êtes pour moi qu'une cliente qui ne m'a jamais payée. Voici votre note. Elle s'élève à 50 350 francs. Le compte est exact. Il court depuis votre mariage, il y a 9 ans. » Lucie, ne pleurant plus, figée par une sorte de peur, regardait Léa comme on regarde une folle dont la folie peut devenir dangereuse. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle enfin. « Vous ne voulez pas comprendre, alors? Ou vous êtes peut-être vraiment trop borné pour le faire? C'est pourtant bien simple. Si Francis avait vécu, j'aurais continué à vous habiller pour rien, comme au besoin. J'aurais renouvelé son mobilier. Tout ce qui touchait mon fils devait être luxueux et artistique. Il fallait pour cela être heureux, et je n'ai vécu que pour lui donner le bonheur. Vous n'avez pas même su veiller sur lui. Vous n'avez pas su écarter de lui tout danger, comme moi j'aurais su le faire. S'il s'est tué bêtement, ridiculement, c'est par votre faute. Vous le saviez imprudent comme un enfant, et vous n'avez pas songé à vérifier l'état de ses armes. À quoi serviez-vous donc? Je l'ai aimé et je l'ai rendu heureux. Vous, sa mère, ne devriez pas l'oublier. Votre amour, la belle affaire. Vous n'avez même pas su garder son cœur, car il vous trompait. Lucie se leva, très pâle, très digne. « Mon mari m'aimait, madame. Son dernier regard a été pour moi. Son dernier mot a été mon nom. Je n'en demande pas plus pour adorer sa mémoire jusqu'à la mort. S'il a eu un moment d'égarement, ce dont je doute, ce n'est vraiment pas à vous à me le révéler. Je ne vois pas ce que nous aurions à gagner, l'une et l'autre, à continuer une conversation aussi pénible. Quant à l'argent que je vous dois, vous savez aussi bien que moi que je ne puis pas vous le donner. » Autant réclamer les sommes que vous dépensiez pour faire aller la maison de votre fils. Tout cela est le passé, un passé bien mort, puisque vous n'avez pas songé une fois à me parler des enfants de Francis, de vos petites filles. Je n'en voulais pas de vos filles. Vous n'avez pas même eu l'esprit de me donner un petit-fils qui portait le nom, en qui peut-être, plus tard, on ne sait pas, j'aurais pu retrouver son père. Ce ne sont pas des filles qui pourraient jamais le remplacer, n'est-ce pas ? Qui se ferait un nom dans le monde, dont on parlerait dans les journaux comme on a parlé de mon fils. Il y a trop de femmes en ce monde, trop de créatures oisives, qui ne songent qu'à se faire belles, qui nous volent le cœur de nos fils. Elles sont à vous, vos filles, gardez-les, elles ne me sont rien, elles vous ressemblent toutes deux. » Au milieu de son angoisse, la jeune veuve vit alors ce qu'elle n'avait pas voulu voir jusque-là, l'abandon où elle allait se trouver, la misère succédant au luxe, les souffrances de ces deux pauvres petits êtres dont les premières années avaient été si choyées. « Alors, dit-elle, prenant courage, si vous abandonnez vos petits-enfants, comment les élèverai-je? Cela vous regarde. Travaillez. J'ai bien travaillé, moi. Si vous croyez que je vais me tuer à vous faire vivre, vous et vos filles, en belle dame, vous vous trompez. J'avais un enfant et je l'ai élevé. Faites-en autant. Vous êtes jeune, vous avez vos 10 doigts. Vous êtes instruite à ce que l'on assure. Vous avez donc des atouts dans votre jeu que je n'avais pas. De plus, vous n'êtes pas complètement sans ressources. Vous aviez une dot énorme, 40 000 francs, à ce que je crois, moins que ce que vous dépensiez par an. Vous vendrez votre mobilier, je n'y mettrai pas d'obstacle. Je vais même être généreuse, tenez. » Elle prit sa note détaillée de 50 350 francs, la déchira méthodiquement et en jeta les fragments dans le feu. « La recherche de la maternité est admise, » dit Lucie. La loi ne vous permettrait pas d'abandonner vos petits-enfants. Faites-moi un procès, alors, ce sera drôle. Vous ne le gagnerez pas, je vous en réponds, et les gens de loi coûtent gros. » Lucie mettait son chapeau, ses gants. Léa, impassible, la regardait faire. Alors, sur le point de partir, la veuve se retourna. « Je crois que tout ceci n'est qu'un mauvais rêve. Ce n'est pas possible. On n'abandonne pas ainsi de pauvres enfants innocents, dont le seul crime est de m'avoir pour mère. « Ce sont les filles de votre fils, et ce fils, vous l'adoriez. S'il pouvait revenir, Que lui répondriez-vous lorsqu'il vous demanderait compte des souffrances, de la misère imposée à ses filles? Les morts sont bien morts, ils ne reviennent pas. La seule joie que je pouvais ressentir, lui partit, c'était de vous dire enfin la vérité. Je l'ai fait, je vous déteste, je vous ai toujours détesté. Vous allez être pauvre, abandonné, triste. Vous allez connaître les angoisses maternelles, comme moi j'étais pauvre. Avoir faim, entendez-vous? Comme j'ai connu les tourments d'une mère qui a un enfant à élever et qui ne sait comment le faire. Il y a donc un peu de justice dans ce monde, après tout. Si vous n'aviez pas eu de pain, je vous en aurais donné. Du pain tout sec, mais enfin, du pain. Vous êtes à l'abri du besoin. Vous ferez de vos filles des ouvrières, comme était leur grand-mère. Je ne vois pas la nécessité d'en faire des dames. Maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Allez. Dans le monde, les femmes en visite disaient, tout en dégustant un verre de vin doux, « Et cette pauvre petite raïeule, qu'est-elle devenue ?» Personne ne pouvait répondre. Tout ce que l'on savait, c'était que la fortune mystérieuse de Francis Raïeul avait disparu avec lui. Il y avait eu une vente, mal annoncée du reste, et qui n'avait rapporté que peu de choses. Puis la veuve et ses filles étaient parties. Probablement, Madame Raïeul était retournée en province auprès des parents éloignés chez qui elle avait grandi. On s'étonnait, on s'indignait même un peu qu'elle n'eût pas donné signe de vie. Elle avait à peine remercié les amis nombreux du musicien à la mode qui avait envoyé des fleurs, qui avait suivi le char funèbre. Mais, comme dans la vie de Paris, ces effondrements ne sont pas rares, on se lassa vite d'en parler. L'histoire de la très grande dame qui avait, pendant la vie de Francis, servi une rente considérable à ce fils adultérin, prit forme de plus en plus. Lui mort, la rente disparaissait. C'était triste pour la pauvre jeune veuve, certes, mais qu'y faire? Raïeul aurait bien dû songer à la situation critique des siens, faire des économies, assurer sa vie au moins. Mais ces artistes sont si imprévoyants. Puis, comment à 35 ans à peine, bien portant, heureux, songer à la mort? L'écho de ces rumeurs arrivait jusqu'à Léa, pendant les longues séances dans le salon d'essayage. Elle disait son mot parfois, et ce mot était généralement un sarcasme à l'adresse de son ancienne cliente. Elle semblait, du reste, si désintéressée de l'affaire, que la vague rumeur, qui avait rapproché son nom de celui de Francis Raïeul, grâce à son évanouissement, s'était vite dissipé. Il y avait eu coïncidence, rien de plus. Puis, les mois passant, les années aussi, le nom de Francis Raïeul fut de plus en plus oublié. Compositeur de salon, réputation éphémère, bientôt il n'en resterait rien. Ses quelques jolies romances passèrent de mode, un peu de fumée dans l'air, se perdant au loin, disparaissant vite au milieu des brumes. Voilà ce qu'avait été la réputation du fils de Léa. C'était pour cela qu'elle avait tant peiné, dépensé tant d'énergie, une volonté si implacable. L'ironie des choses de la vie parfois lui apparaissait, amenant un ricanement amer à ses lèvres pincées. Elle souffrit beaucoup. Elle devint plus dure, plus âpre que jamais, grâce à cette souffrance de tous les instants. Cependant, elle travaillait toujours avec rage, n'osant s'arrêter de peur de la folie qui la guettait éternellement. Et maintenant que le succès n'avait plus aucun but, elle gagnait ce qu'elle voulait, distançant ses rivaux, amassant une grosse fortune. N'ayant plus de but, elle fit du succès même l'objet de sa vie. Tous les dimanches, obéissant à une bien vieille habitude, Léa allait s'enfermer à la campagne. Là, elle quittait sa robe de tous les jours, elle se mettait en grand deuil. C'était puéril, mais elle y prenait un plaisir âpre. La vieille femme qui gardait la maison, qui lui avait été dévouée depuis l'enfance de Francis et qui avait son franc-parler, la regardait faire en grommelant et haussant les épaules. Léa avait rassemblé jalousement les moindres bagatelles qui avaient appartenu à son fils, depuis le premier alphabet jusqu'au violon des dernières années. Elle les essuyait, les examinait, leur parlait à mi-voix, comme si tous ces objets qui avaient touché la main du mort en eussent gardé quelque chose. La vieille Thérèse lui disait parfois « S'a-t-il le sens commun, je vous le demande ?» S'amuser à caresser des joujoux et des livres lorsqu'il y a dans le monde des êtres vivants, sa chair et son sang, et qui pourraient rendre les caresses au moins. Tais-toi, ce sont les enfants de l'étrangère. Non, je ne me tairai pas. Je vous le dirai encore dimanche prochain et toutes les fois que je vous verrai. Et vous me laisserez parler, parce que j'ai bien des fois endormi votre fils en lui chantant des chansons du pays. Ah, ce que je donnerais pour endormir de même ses filles. Vous ne les avez même jamais bien regardées, ces petites. Vous ne savez pas comme elles sont jolies, les mignonnes. Vous les renvoyez du salon, et elles venaient me trouver dans la cuisine, où je leur donnais de belles tartines de confiture. Quand la plus jeune pleurait, l'aînée, déjà sérieuse, la faisait taire en lui disant que la dame l'entendrait. Vous les épouvantiez, si c'est permis de faire peur à des bébés, à ces petits-enfants. Quelquefois, à bout de patience, Léa se fâchait, ou bien elle disait « D'abord, je ne saurais où les retrouver, les petites, même si j'y songeais. Dites le mot, je vous les trouverais bien, moi. S'il n'y avait pas la mère, ce serait possible, mais elle, je la hais comme au premier jour. » Cette conversation, sous diverses formes, se répétait presque toutes les semaines. Elle finit par hanter Léa. Cela l'irritait d'être considérée comme une femme sans cœur, méchante, elle qui croyait avoir été dans son droit. Vaguement aussi, elle se demandait si le pain sec que pouvait leur donner la mère suffirait à des enfants élevés jusqu'alors en petite princesse. On ne pouvait pas dire que Léa eut des remords, mais elle songeait à ses enfants plus qu'elle n'aurait voulu y songer. Alors elle s'emportait contre cette bête de Thérèse avec ses éternelles lamentations et lui ordonnait durement de se taire. À sa façon, Madame Léa était fort généreuse. Elle avait sa police à elle. Elle s'inquiétait des besoins d'artistes pauvres et, sans se nommer, leur venait en aide. Les musiciens, surtout, étaient ses protégés de prédilection. En songeant à ce qu'aurait été Francis s'il n'avait eu pour vivre que ce que sa profession lui rapportait, elle comprenait mieux qu'une autre les misères des compositeurs encore inconnus. Elle s'était fait ainsi une liste des plus nécessiteux. À l'approche du terme, ou dès qu'elle apprenait qu'il y avait des dettes criardes, un commissionnaire qui avait pour consigne de ne répondre à aucune question laissait une large enveloppe à l'adresse du musicien en détresse. Celui-ci trouvait, avec des billets de banque, ces mots « Au nom d'un compositeur mort jeune ». 5 ans après la mort de son fils, Léa fit une maladie très grave. Elle se crut perdue. Dans un moment de lucidité, elle fit venir un notaire et signa un testament par lequel elle laissait sa fortune aux filles de Francis Rayol. Elle ne mourut pas, mais le cerveau resta un peu ébranlé. Dans son délire, elle avait vu sans cesse son fils qui la regardait avec des yeux navrés, pleins de reproches. Elle avait fait venir Thérèse au début de la maladie pour la soigner. Même après tant d'années, elle ne voulait pas que des paroles échappées à son délire révélassent le secret si bien gardé jusqu'alors. Malgré sa maladie, la maison marchait toujours. La première, qui voyait le moment où elle succéderait à la patronne, réussit à garder les clientes. Dès la convalescence, qui fut longue, Madame Léa, de son lit, donnait encore des avis, des ordres même. Car, si pour certaines choses le cerveau restait comme hanté, l'énergie, la volonté de faire, reparaissait avec les forces physiques. « Thérèse, lui dit sa maîtresse un jour, j'ai eu le délire bien longtemps, n'est-ce pas ?»« Pour ça, oui, madame. Ai-je parlé de... tu sais quoi ?»« Oui, mais comme je connais votre tocade, je renvoyais alors tout le monde. » »« Merci, ma bonne Thérèse. » Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le délire revient la nuit, toutes les nuits. C'est sûrement le délire, car, enfin, je le revois toujours, vers la même heure, là, au pied de mon lit. Il me regarde, et son regard me fait pleurer. Quelquefois, il ne parle pas. Quelquefois aussi, il me dit tout doucement, sans colère, « Maman, qu'as-tu fait de ma femme et de mes enfants ? J'ai peur de m'endormir maintenant, je sais si bien ce qui m'attend. Quand je me réveille, je suis trempé de sueur de la tête aux pieds, c'est horrible !» Je n'aurais jamais imaginé un supplice pareil. J'ai donc mal agi, Thérèse. Je croyais avoir le droit de lui crier enfin la vérité à cette poupée blonde. Ah oui, vous avez mal fait, et c'est le bon Dieu en qui vous ne croyez pas qui vous punit. Mais nous les retrouverons, les pauvres petits, et alors si la nuit vous revoyez votre fils, eh bien, ce sera une consolation pour vous, et non plus une terreur. Vous le verrez vous sourire, votre Francis. Tu crois, Thérèse ? Vrai, tu crois cela ? Je suis affaibli par la maladie et par la peur. Je ne suis plus bien moi-même. Eh bien, je vous en félicite, madame, car pour sûr, votre vous-même ne valait pas cher depuis quelques années. Dès que vous serez debout, j'irai vous les trouver, vos petites filles, et quoique je sois un peu vieille pour une pareille besogne, nous verrons bien. Mais tu sais, je ne veux pas de la mère. Je n'en veux pas, tu entends ? J'entends, mais c'est comme si vous chantiez. Avec cela que vous pourriez séparer les amours de leur maman. « Ah, vous savez, madame, il faut être raisonnable, ou sans cela, je vous abandonne à votre revenant. » Léa, vaincue, ne dit plus rien. Mais le regard dur parlait pour elle. Elle se repentait d'avoir abandonné ses petites filles. Elle ne se repentait pas un instant d'avoir fait souffrir sa belle-fille. Mais Thérèse s'était trop avancée. Ses recherches n'aboutirent pas. Elle alla aux informations d'abord à la maison qu'avait habité M. et Mme Rayol. Le concierge n'était plus le même. Ne connaissait même pas du nom ces locataires-là. il fut impossible de retrouver l'ancien concierge qui s'était, pensait-on, retiré à la campagne. Alors, prenant son courage à deux mains, Thérèse fit le voyage de Rouen, ce qui lui sembla une entreprise des plus hardies. Les parents de Madame Rayol étaient morts. Leurs héritiers avaient quitté la ville. Personne n'avait vu Madame Rayol depuis son deuil. Ses anciennes connaissances l'avaient perdue de vue. Alors Léa s'adressa à des agences qui firent quelques recherches sans aucun succès. Les annonces dans les journaux restèrent également sans résultat. Léa, revenue à la santé, ayant fait ce qui dépendait d'elle pour réparer le passé, sentit sa conscience apaisée. Puis, comme pour se soulager plus encore, elle s'emportait contre sa belle-fille. Une femme intelligente aurait compris que les colères les plus violentes ne sont pas les plus durables. Thérèse lui dit « Vous avez une façon à vous d'encourager les gens à revenir. Il est bien temps de réparer ce que vous avez fait. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin que Madame Rayol à Paris, car on ne m'ôtera pas de la tête qu'elle est à Paris, dans quelques quartiers de pauvres. » Des mois s'écoulèrent et la vie reprit peu à peu comme par le passé. Seulement, la patronne était devenue un peu fantasque. Elle était moins complètement à ce qu'elle faisait. On ne pouvait pas dire que la maison baissa, mais elle ne progressait plus. On pensait que Madame Léa, très vieillie, songeait à passer la main. Il n'en était rien, cependant, car sans l'occupation qui, pour elle, était devenue une seconde nature, qu'aurait-elle fait? Un matin, la couturière prenait son chocolat dans sa chambre avant de commencer son travail quotidien. La grande chambre à coucher était luxueuse, le service d'argent fort joli. Léa aimait les jolies choses, comme Francis lui-même les avait aimées. La première entra précipitamment et ferma la porte avec soin derrière elle. « Madame, la petite Durand, notre dernière apprentie, nous amène une amie qui demande, elle aussi, à entrer ici comme apprentie. Vous savez bien que je n'en veux plus. S'il fallait écouter toutes les gamines qui frappent à ma porte, c'est que... Eh bien quoi? Qu'avez-vous, Amélie? C'est que, madame, l'enfant s'appelle Suzanne Rayol et... » Léa posa sa tasse. « Faites-la entrer et empêchez qu'on nous dérange. Ça peut n'être qu'une rencontre de nom. » Mais elle n'en croyait rien. Elle savait bien que l'enfant qu'elle allait voir était la fille de Francis. Elle ne fit pas un mouvement, elle attendait. Une fillette de 12 ans environ, pauvrement vêtue, gauche, un air de petite faubourienne, s'arrêta au seuil de cette porte, clignant un peu des yeux, car la belle lumière de ce jour de juin était amortie par de lourds rideaux. « Viens ici, petite. Tu désirais être apprentie, comme ton amie ?»« Oui, madame. » Craintive, l'enfant n'avança que de quelques pas, tortillant le bord de son tablier noir. La splendeur de cette chambre, l'odeur appétissante du chocolat, la vue du petit pain doré et des coquilles de beurre l'intimidaient beaucoup. Mais elle reprit vite son aplomb de parisienne, encouragée par l'affabilité de cette personne redoutable qu'on appelait une grande couturière. Léa la dévorait des yeux. Suzanne, qui à 6 ans ressemblait surtout à sa mère, maintenant avait le regard de Francis. Elle en avait le timbre de voix, malgré l'accent traînard des faubourgs de Paris. Elle en avait même le geste, sa façon de rejeter une mèche de cheveux qui toujours retombait. L'enfant continua. Louise Durand et moi, nous allions à l'école ensemble, l'école primaire. J'ai mon certificat d'études et je voudrais être couturière. Je voudrais gagner de l'argent pour maman, qui est très pauvre et souvent malade. Elle m'a toujours dit, quand elle me voyait jouer avec ma poupée, que je serais plus tard habillée de belle dame. Et c'est ta maman qui t'a envoyée ici. Léa, soupçonneuse, sentait sa vieille haine se réveiller. Mais l'enfant, avec son beau sourire ingénu, dit « Oh que non! Je veux lui faire une surprise. Je lui ai seulement dit que j'allais avec Louise faire une grande course. Vous comprenez, je n'étais pas sûre de réussir. » Ta mère est très pauvre. Oui. C'est depuis la maladie de Titine, surtout que nous sommes si pauvres. Quelquefois, nous n'avons que du pain pendant des journées entières. Tu as une sœur, alors, qui est malade, elle est morte. Léa porta son mouchoir à sa bouche pour étouffer un cri. Pendant ce temps, Suzanne, apprivoisée, s'était rapprochée de la table et tout en parlant, elle regardait Léa, les yeux grands ouverts, curieux. Peu à peu, ses yeux se troublèrent, comme si la femme qu'elle regardait ainsi lui rappelait des souvenirs lointains, confus. Elle continua cependant. On espérait que la campagne la sauverait peut-être. Nous sommes partis. C'est bien joli la campagne, mais... Alors, perdant le fil de ce qu'elle disait, l'enfant se passa la main sur le front et murmura d'un air d'effroi. La dame, je voudrais bien m'en aller. Je te fais peur, Suzanne. Tu te souviens donc, « Je voudrais bien m'en aller, » dit la petite de nouveau, et inquiète, elle se dirigea vers la porte. « Nous nous en irons ensemble, mon enfant. Reviens. Je ne te veux que du bien. Tu verras, je sais être bonne. Tu seras heureuse, et ta mère aussi, puisque vous n'êtes plus que deux et qu'il est trop tard pour faire du bien à Titine. » Suzanne s'arrêta, écouta, puis, avec l'impétuosité de l'enfance, voyant que la dame pleurait, elle se jeta dans ses bras riant et sanglotant à la fois. Léa sonna. « Qu'on aille à la remise, il me faut un landau tout de suite. En attendant, apportez une autre tasse, du chocolat, des petits pains. La petite déjeunera pendant que je m'habillerai. On se passera de moi aujourd'hui. Mademoiselle Amélie me remplacera. » Suzanne, attablée, remise de son émotion, croyait rêver en se voyant servir comme une princesse. Jamais elle n'avait rien goûté d'aussi bon. Léa souriait en la voyant dévorer les petits pains dorés. Elle la faisait causer, et à travers ce bavardage, elle apprit l'histoire des 6 dernières années. Madame Rayol n'avait pas quitté Paris. Elle avait pris un logement près des fortifications. Là, elle avait cherché du travail afin d'ajouter à son revenu, qui suffisait tout juste à faire vivre 3 personnes. Elle avait donné quelques leçons à 20 sous l'heure. Elle avait fait un peu de couture. Mais il faut à la pauvreté, comme à toute chose, un apprentissage, et Lucie ne savait pas être pauvre. Puis son enfant tomba malade, languit. Suzanne, grande pour son âge, énergique, était la confidente de sa mère. Pour aller à la campagne, il leur faudrait entamer leur petit capital. Mais si, en faisant un gros sacrifice, on arrivait à sauver Titine... Suzanne avait dit crânement, « Je travaillerai, je gagnerai de l'argent, j'ai 10 ans. Bientôt je n'aurai fini avec l'école, et tu verras alors, maman. » La petite malade traîna 6 mois encore. Alors, elle mourut. Léa se dit avec une souffrance atroce au cœur. Le midi l'aurait sauvée peut-être. Elle avait besoin de bonne nourriture, de confortable. Le retour à Paris avait été dur. Madame Rayol, malade de chagrin et d'épuisement, ne trouvait plus de travail. C'était la misère, une misère décente, la plus navrante de toutes. Et tout cela parut nettement dans les petites phrases courtes de l'enfant, dans ses réponses aux questions posées. Elle ne larmoyait pas, la petite, trouvant la pauvreté que, depuis des années, elle voyait, non pas seulement chez elle, mais autour d'elle, chose toute naturelle. Elle était pleine de vigueur, sûre d'elle-même, résolue à si bien travailler que tout le monde serait content d'elle, et que bientôt elle pourrait gagner un peu d'argent. Léa se retrouvait elle-même en sa petite fille. « Alors vous comprenez, madame, quand Louise Durand, qui a une tante chez vous, a été acceptée comme apprentie, et qu'elle parlait des belles toilettes qu'on faisait, des voitures qui attendaient à la porte, des salons et des salons où les dames passaient des heures avant de pouvoir essayer leurs robes, moi, je n'ai eu qu'une idée, faire comme elle. Mais je n'ai rien voulu dire à maman avant d'être sûre, n'est-ce pas? Elle a si souvent espéré des choses qui n'ont pas réussi, maman. Mais vous voudrez bien de moi? Ah, si vous saviez. J'ai si envie de travailler, de vous plaire. Dites oui. Je dirai oui à tout ce que tu me demanderas. Et si demain tu désires être apprenti, tu le seras. Mais peut-être qu'alors tu ne me demanderas plus. Maintenant, viens. Où ça? Chez ta maman. Suzanne, trop étonnée pour parler, suivit la dame et monta dans une belle voiture, puis elle donna l'adresse, à Montrouge, tout contre la porte d'Orléans. Léa tressaillit. Toutes les semaines environ, elle se faisait conduire en voiture à Fontenay. Elle avait dû passer des centaines de fois à quelques pas de sa belle-fille, de ses petits-enfants, car elle franchissait la porte d'Orléans et gagnait sa campagne par Bagneux et Fontenay-aux-Roses. Un hasard aurait suffi pour la mettre en présence de celles qu'elle cherchait sans les trouver, et ce hasard ne s'était jamais produit. Que de fois, en traversant ce quartier lointain, tout peuplé de pauvres, où les boutiques sont envahies par des femmes en cheveux, des hommes en blouse, où les grandes maisons neuves divisées en tout petits logements à bon marché s'adossent à des baraques qui menacent ruine, où les asiles pour les vieux, pour les aveugles, abondent comme dans un quartier où les terrains coûtent peu, où tout a un air en même temps triste et bruyant. Que de fois, Léa, du fond de son coupé, avait songé avec satisfaction à son propre succès, au bien-être acquis grâce à son énergie, à son intelligence, à sa volonté. Elle aussi était sortie d'un faubourg de Paris. Elle en avait gardé comme une rancune contre les laideurs de la pauvreté. Et c'était à cette pauvreté laide et triste qu'elle avait condamné les filles de son enfant adoré, de ce Francis dont elle avait fait un heureux de la terre. Tout en haut d'une grande maison où les fenêtres sans rideaux brillaient durement comme des yeux sans cils, une chambre propre et nue, dont les meubles probablement étaient partis les uns après les autres, chez le brocanteur du coin. Lucie, enfoncée dans l'unique fauteuil, cousait. À la vue de sa redoutable belle-mère, elle se leva d'un bond, effarée, cherchant à reculer, à disparaître. Léa baissa la tête. Elle n'avait pourtant pas voulu, à ce point, inspirer la terreur, la crainte. « Madame, c'est la dame, tu sais bien, de là-bas où nous allions quand j'étais toute petite. »« Croyez, madame, que je ne suis pour rien ?» Léa, pour toute réponse, lui prit les deux mains. « Moi aussi, Lucie, j'ai souffert. C'est au nom de cette souffrance que j'ose vous dire. Pardonnez-moi. » La réaction fut trop violente. Lucie, affaiblie par les privations et les tristesses, s'affaissa à demi évanouie. Mais la faiblesse ne dura guère. Elle était si heureuse. Elle pleurait et riait en même temps. Suzanne, au moins, serait sauvée, arrachée de cette vie de lutte, de misère, si dangereuse pour une jolie fille comme elle. « Pourquoi ? » dit enfin Léa. « Pourquoi, lorsque Titine est tombée malade, ne m'avez-vous rien dit ?»« Hélas, madame, souvenez-vous, j'étais dur, c'est vrai. Mais lorsque la vie même était en jeu, je ne suis pourtant pas un monstre. Les soins, un climat plus doux l'auraient peut-être sauvé. » J'ai bien compris dès le début qu'il n'y avait guère d'espoir. Sans cela, malgré tout, je crois que j'aurais tenté de vous attendrir. Ma pauvre petite fille, si douce, si jolie. Suzanne ne comprenait rien à cette scène. Le front un peu plissé, elle regardait, elle écoutait, cherchant à deviner qui était après tout la dame. Enfin, elle prit courage et la tira par la manche. « N'est-ce pas, madame, que vous voudrez bien de moi comme apprenti ?» Les deux femmes échangèrent un regard, un sourire. Léa prit la petite par la main et l'embrassa au front. « Non, Suzanne, je ne veux pas de toi comme apprenti. Tu ne me diras pas madame, tu me diras grand-mère. Nous allons partir tout à l'heure pour cette maison où tu venais les dimanches quand tu étais petite. Tu vivras avec ta mère, tu travailleras avec une institutrice, tu te prépareras à être une femme distinguée, tu ne connaîtras plus ni la faim ni le froid. Seulement plus tard, lorsque tu seras riche, tu te souviendras de ton enfance et tu seras bonne pour ceux qui souffrent, pour les filles des pauvres surtout. Et tu n'auras plus jamais peur de moi, n'est-ce pas, mon enfant ?» Le départ joyeux se fit promptement. Un paquet de hardes affaires, quelques petites dettes à payer dans le voisinage, le congé donné pour la chambre, tout cela, Suzanne, folle de joie, s'en chargea. Puis la voiture s'ébranla. La vie de misère n'était plus qu'une chose du passé. Lucie regardait à droite et à gauche. « Si vous saviez, dit-elle, combien de fois j'ai fait un bout de ce chemin avec Suzanne. Cette banlieue est pourtant bien laide. » Suzanne ne comprenait rien à ces tristes promenades. Mais moi, je me souvenais. Je revoyais au-delà ce joli nid de verdure où nous étions si joyeux, Francis et moi. Que c'est loin déjà, tout cela. Et Thérèse, la retrouvons-nous ? Oui, elle vous a cherché partout, la bonne Thérèse, tout en me disant mes vérités. Lucie ne répondit pas. Elle souriait à l'avenir, elle était heureuse, elle n'avait plus cru au bonheur. Après un assez long silence, Léa dit « Organisons l'avenir, voulez-vous, Lucie ? Je me connais, je ne suis pas une femme tendre. J'ai dépensé pour mon fils tout ce que j'avais au cœur de dévouement, d'affection. Je suis heureuse en ce moment-ci, je joue à la grand-mère. Mais cela ne durerait pas, il y aurait des retours de dureté, des coups de boutoir. Je n'ai plus peur, » dit en souriant Lucie. « Vous avez tort. Un instant, j'ai caressé l'idée d'abandonner ma maison, de vieillir entre vous et Suzanne. C'était de la folie pure. Nous aurions été malheureuses toutes les trois. Et je ne veux pas de cela. J'ai encore une énergie débordante, un besoin d'action et de travail qu'il faut que je satisfasse, malgré mes 62 ans. Je continuerai donc ma vie ordinaire. Seulement, comme dans le temps, j'irai me reposer là-bas. Et ce sera bien bon de ne plus trouver la maison vide, le jardin silencieux. Je rassemblais jalousement les reliques de mon fils. J'y verrai maintenant sa fille, qui lui ressemble, qui a son regard. Et cela me fera du bonheur pour ma semaine de travail. Ah, la belle journée de soleil, de joie, au milieu du jardin plein de roses. Thérèse, à demi folle, ne trouvait plus de mots. Touchait la petite de ses mains calleuses, comme pour s'assurer que cette fois, ce n'était pas en rêve que l'enfant de Francis revenait au logis. Seulement, dans le temps, elle faisait des tartines de confiture pour deux petites affamées au lieu d'une. Et c'est ainsi que, dans la vie, le sourire est souvent mouillé de larmes. Comme, Dieu merci, souvent aussi, derrière les larmes, mais ma mère se dessine quand même le sourire. » Ainsi s'achève Madame Léa par Jeanne Mairet.